Salut Internet, comment on va ? Bonjour à toi, auditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Aujourd'hui, je discute avec Méline, une amie au parcours assez atypique, puisqu'elle est partie vivre pendant plusieurs années en workaway et expérience internationale, afin d'assouvir sa soif d'aventure. Ensemble, on discute de son lieu de vie actuel, Freiburg, en Allemagne, de son aventure en workaway et des expériences marquantes de sa vie aux Philippines et en Tunisie. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Méline. Alors, Méline, et pas Méline. C'est ça, merci. Parce que je le sens. Non mais tu sais que ça c'est le premier truc vraiment, je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « C'est pas Méline, c'est Méline !» Je le fais à tout le monde, je crois. Ouais, j'essaye avec Y. Mais c'est comme avec un E accent aigu. Mais j'ai commencé à abandonner à l'étranger. Ah, parce qu'ils n'y arrivent pas, du coup ? Bah, ils voient un Y, et du coup, quand je parle en anglais, bah, ils le prononcent à l'anglaise. Donc, ça fait genre, mais... Je tolère, ça va. Oui. Surtout. Mais bon. Oui, ouais. Faut pas abuser. Avec un peu d'accent. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, très brièvement ? Qui es-tu ? Donc, moi, c'est Méline. J'ai 26 ans. Et tu me prends de court, là ? Mais non, c'est mais... C'est pas la faute de mais qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Tes origines, d'où tu viens, que alors... fais-tu actuellement dans la vie ? Donc, je suis d'origine vietnamienne et taïwanaise, et non thaïlandaise. Ça aussi, non, mais sérieux, je... Attends, on peut recommencer parce que je suis pas du tout... Oui, oui, je recouperai ça. Méline, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh non, mais ça va pas tenir. Moi, je suis pas compris à ce genre de questions. Allez, me dis. Ou peut-être que j'aurais dû écouter tes podcasts aussi pour savoir comment ça se fait. Non, sérieux, je sais pas quoi dire. Ok, non mais ça me va si tu dis juste que tu es d'origine vietnamienne, taïwanaise et non thaïlandaise. C'est... Non mais du coup, il y a déjà vraiment des gens qui ont déjà fait la confusion entre... Moi je sais que ça arrive de... juste dans la prononciation, des fois je veux dire... En premier, Taïwan, et je dis Thaïlande, et l'inverse, l'inverse marche aussi. Mais c'est aussi parce que je fais dyslexie, donc... Non, c'est moins sans moi. Il y a quelques années, ouais, les gens faisaient encore la confusion entre Taïwan et la Thaïlande, parce que c'était pas très connu. Et là, Taïwan fait de plus en plus parler d'elle, donc... Non, les gens connaissent de plus en plus. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop. Ouais. Donc, non, aujourd'hui, quand je dis que je suis d'origine taïwanaise, les gens savent généralement où c'est. Ouais, mais du coup, tu le dis à qui, en fait ? Tu le dis à... C'est parce que tu le dis aux Allemands ou tu le dis aux Français ? À chaque fois, quand je me présente. Souvent, quand je dis que je suis française, on me demande aussi, bah, tes origines, elles viennent d'où ? Voilà. Comme tout bon asiatique. C'est ça. Est-ce que c'est du racisme ou pas ? Je ne sais pas. Moi, je ne le vois pas comme du racisme, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est plus de la curiosité de culture, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Et puis, moi, je sais que ma nouvelle coloc, est, à un moment, pendant une de nos soirées, elle me regardait et me disait « Mais du coup, Tony, t'es de quelle origine ?» Et elle fait « Attends, attends, me dis pas. Cambodgien ?» J'ai fait « Oui. » Elle fait « Yes ! Yes !» J'ai éliminé. Mais tu fais pas du tout cambodgien, je trouve. Oui, je sais, je sais. C'est... Je fais partie de la tranche chinois-cambodgien qui n'a pas le teint des cambodgiens, mais vu que toute ma famille vit dans la culture cambodgienne, donc je dis tout simplement que je suis cambodgien. Et ça va plus vite. C'est comme toi, hein, avec la culture taïwanaise-vietnamienne, où tu dis plus que t'es taïwanaise. Ouais. Ouais. Ouais, je me considère plus comme française. Non, enfin, j'en sais rien. Parlons des bananes. Parlons. Non mais ça me va très bien en fait d'avoir ce background international. Ouais. Et du coup actuellement où es-tu ? Alors je suis à Fribourg en français, en Allemagne. Donc c'est à 1 heure de Mulhouse et de Colmar à peu près, dans la forêt noire. Comment tu dis forêt noire en allemand? Schwarzwald. Ah, c'est sympa, la prononciation. Putain, je suis une quiche en allemand. Vraiment, je n'ai jamais appris. Et les rares mots que je connais réellement, c'est Guten Tag et Auf Wiedersehen. Oh, ça va, t'as une bonne prononciation déjà. Oui, j'ai une bonne prononciation, mais après, c'est deux mots de vocabulaire dans toute une langue, ça fait pas beaucoup. Ah bah, Dankeschön, je crois. Ouais. Dankeschön, c'est allemand aussi. Ouais, bah c'est les mots de Ouais. base. Tu connais pas de gros mots. À ma grande surprise. Chaser? Ouais. En général, c'est les premiers trucs. Enfin, les premiers. Non, j'exagère. Mais on apprend souvent les gros mots lors du début, lorsqu'on apprend, commence à apprendre une langue. Oh là là, je commence à fatiguer. Je crois pas que c'était une bonne idée de faire cette interview après le boulot. Mais de toute façon, on n'avait pas trop le choix, donc. Mais on est bien parti. Mais tu sais, en plus, ça me fait penser à un humoriste, je sais pas si tu connais Trevor Noah. Ça me dit rien Ça là comme te ça. dit. Donc, c'est un humoriste américain, suisse, sud-africain, beaucoup d'origine en fait. Donc, il vit actuellement aux États-Unis et en fait, il présente un daily show en fait qui s'appelle le Daily Show Oui. et c'est un mec trop cool en fait Ouais. qui est hyper cultivé qui est hyper qui est très fort en imitation en accent en fait et dans l'un de ses behind the scenes en fait c'est des entre guillemets scènes qu'il filme quand même en haut en fait entre deux scènes de son show qui s'appelle le Daily Show ça lui arrive de juste parler au public de poser des questions et enfin que le public lui pose des questions il répond ce genre de truc et en fait on lui demandait qu'est-ce qu'il fait actuellement et donc il disait je suis actuellement en train d'apprendre l'allemand qui était parti en Allemagne et qui en fait le souci c'est que en fait dans sa prononciation de manière un peu trop prononcée apparemment il sonne comme Hitler. Bon. Et clairement, tu vois, en fait, il lui demande juste je voudrais commander des pâtes à la saucisse de Strasbourg. Et en fait, et ça sonne très, très Hitler, très Premier Reich. Et en fait, à chaque fois qu'il parlait, il voyait les expressions des serveuses, des gens autour qui le regardaient un peu bizarrement. Il disait, mais pourquoi les gens me regardent bizarrement? Il fait. Tu sonnes un peu comme Hitler. Faudrait... Non, je n'ai pas vu passer ça. Je connais, oui, mais je n'avais pas compris Ouais. ta prononciation. Je t'enverrai la vidéo et je t'enverrai aussi le lien du truc. Mais Mais c'est ouais, vrai il est qu'il est très excellent très dans cool. l'accent. Oui, elle est Qu'est-ce que tu excellente. fais en. Pourquoi t'es à Freiburg? Freiburg? Freiburg? Freiburg, c'est ça. Freiburg. Bah parce que j'ai repris des études. Je suis en train de faire un double master franco-allemand. Donc ça me permet d'avoir deux masters pour le prix d'un. Disons-le comme ça. Et la moitié de mon cursus doit se faire en Allemagne. Voilà. Cool. Et tu fais Ouais. quoi là-bas? Ça se passe comment? Parce que comment c'est Freiburg? Très vert. Alors, si tu compares à Paris, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est entouré par des collines, des petites montagnes. Bah, t'as la forêt noire juste à côté. C'est connu pour être l'une des villes les plus vertes d'Allemagne. Donc, tu as C'est le vrai? véganisme, ouais, qui est énorme. Bon, après, le véganisme et le végétarisme est en général beaucoup plus développé qu'en France. C'est super facile de trouver de la viande végane, enfin des alternatives véganes dans les supermarchés pour pas beaucoup plus cher que de la vraie viande, par exemple. Je suis moi-même devenue presque végétarienne. Voilà. Bon, non, pas végane. J'aime trop le fromage. Mais ouais, ça m'arrive d'acheter. Bah, en fait, je fais plus que qu'acheter de la viande végane, pratiquement, parce que c'est plutôt bon. Ouais, et puis tout le monde se déplace à vélo ici. Donc, bon, à Paris, j'ai déjà tenté de me déplacer en ville libre, mais bon, c'est pas super agréable, quoi, de respirer l'odeur des pots d'échappement de voiture, etc. Puis les gens n'ont pas, les automobilistes n'ont pas le réflexe de faire attention aux cyclistes, alors qu'ici, ils sont éduqués à ça. Voilà, et puis généralement, c'est moins stressant. C'est moins stressant qu'à Paris. Et tu peux faire des randos toutes les semaines. Ah ouais. Il y a des lacs. Ouais, non mais tu sais que tes stories Instagram avec les tortues dans le lac, vraiment, elles me font rêver à chaque fois. Mais oui, il y a des lacs dans les tortues. Ah oui, je précise, des lacs Y a dans des lesquels on peut tortues. nager. Il y a des tortues dans les lacs, plutôt pas des lacs dans des tortues. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, Il y a des lacs dans des tortues. sérieux, j'ai dit ça? Je n'ai même pas Oui, t'as remarqué. dit ça. Ça va pas, hein? On a commencé il y a 20 minutes, je crois. Oui, donc je voulais dire qu'il y a des lacs dans lesquels on peut nager, parce qu'en région parisienne, on a quelques lacs, mais il y en a très peu dans lesquels on peut nager. Moi, je m'y aventurerais pas, en tout cas. Non, pas trop. Voilà, donc je pense que je sais pas si je vous ai donné envie de venir à Freiburg, mais j'ai déjà donné pas mal envie à mes amis via mes stories Mais tu sais que. Instagram, justement. Mais oui, non, mais en plus, j'ai l'impression que tu fais des trucs tous les week-ends. Je t'ai vu faire du skate, je t'ai vu faire des randos, je t'ai vu faire des clean swim, je sais pas comment. Des Clean dive, clean-up, je sais pas comment. ouais, des clean-up dives, ouais. Ça, c'est trop cool, ça. Ouais, non, franchement, je suis devenue hyper active depuis que je suis arrivée ici. Mais c'est l'environnement, le fait que la ville soit très dynamique. Oh là là, dynamique. Ça n'a pas tenu. Et je sais pas, tout le monde bouge, tout le monde se déplace en vélo. Il y a beaucoup de nageurs réguliers dans le lac à côté de chez moi. Maintenant, un peu moins. Du coup, Mais il en y en a fait, toujours. oui, alors j'y étais il y a 3 jours, avec ma combinaison bien entendu, et il y avait un autre jeune homme qui avait sa combinaison aussi, et un promeneur nous a dit qu'il y avait une autre personne qui, elle, nageait par contre sans combinaison, de l'autre côté du lac. Voilà, donc on va voir combien de temps on tient, mais je me suis lancée un challenge, c'est de nager jusqu'à... Bah pendant l'hiver, on verra si je tiens. Mais ouais, je sais pas, les gens sont hyper friendly et ouais, tout le monde est super ouvert d'esprit, je trouve, ici. Parce que tu la sens déjà. En fait, tu sens qu'il y a une grosse culture allemande là-bas ou tu t'as l'impression que c'est un peu un entre-deux vu que c'est vraiment à la frontière franco-allemande? Déjà, Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de Français là où t'es ou pas Il y du a tout? pas mal de Français. Il y a... Alors, j'en connais pas beaucoup personnellement. Mais oui, il y a des écoles françaises ici. Il y a beaucoup de familles franco-allemandes aussi, d'après ce que j'ai compris. Mais je ne ressens pas vraiment la culture française ici, en tout cas. Ouais. Et oui, je suis certes en Allemagne, mais... Il y a d'autres vibes ici. J'étais dans d'autres villes en Allemagne. Je vais sonner comme une hippie. Mais ouais, je sais pas. Parce que j'étais dans pas mal d'autres villes en Allemagne et j'ai jamais ressenti ce que je ressens actuellement à Freiburg. Et Ouais. c'est la première fois que je me dis en Allemagne, ou même en général, ah, bah, je me vois bien vivre dans cette ville. Pour un moment en tout cas. Et voilà. Mais on ressent bien quand même hein, qu'il y a des côtés qu'on est en Allemagne. Tout le monde respecte les feux rouges. Non mais c'est vrai. Oui, c'est pas faux. Même si on est qu'à 1 heure de la frontière. Mais non, même pas 1 heure, peut-être 30 minutes. Après la langue aussi. Mais. Ouais. Faut venir pour voir. Tu sais que je passerais tellement pour un délinquant là-bas. En fait, j'ai pris tellement des mauvaises habitudes quand je suis allé vivre à Shanghai. Et en fait, les feux rouges, maintenant, j'en ai tellement rien à foutre. Je traverse vraiment n'importe où et de manière un peu suicidaire parfois. Non, je fais quand même gaffe, mais vraiment, je me dis, j'ai pris des trop mauvaises habitudes en étant à Shanghai. Et je pense en arrivant en Allemagne, les gens me regarderaient trop mal. Vraiment. Ouais, effectivement, ils peuvent te fusiller du regard, mais je pense qu'avec l'habitude, tu kiffais. Enfin, moi, je me souviens. Alors, c'est pas la première fois que je suis en Allemagne pour une longue durée. J'ai été déjà en Allemagne et en Bavière il y a 7 ans, oh là là, en Erasmus. Et donc, j'avais des amis français là-bas, un groupe d'étudiants français aussi. Et il nous arrivait Ouais. parfois de traverser au feu rouge tous en même temps. Mais qu'est-ce qu'on se faisait fusiller du regard? Ouais. Et après, quand tu sens ces regards pesants sur toi, tu te dis, bon, peut-être que la prochaine fois, je respecterai. Mais Mais il y a je pense que c'est un peu le... des fois, j'ai des jambes hein, qui me démangent. Il n'y a pas de voiture. Pas de voiture à 1 km aux alentours. Le feu est rouge. Enfin, le feu est rouge pour nous, les piétons. Mais tout le monde va attendre. Tout le monde. Non, dans ces moments-là, bon, ça dépend. Ça dépend où. Ça dépend s'il y a des enfants. S'il y a des enfants, j'attends. Je me dis, bon, je donne l'exemple. Voilà. Mais je crois que c'est un peu le même phénomène au Japon, tu sais, quand il y a tellement ce phénomène de confiance et de... Tu sens que tu vis bien parce que, et si tu es suffisamment intelligent, en fait, tu comprends que c'est parce que tout le monde suit la règle en général de badger dans les transports en commun, ce genre de trucs, ne pas voler dans les trucs. Et en fait, c'est si tu as suffisamment de bonne conscience, en général, même si tu tentes un truc, tu te sens tellement mal après qu'au final tu dis non, non, je veux plus, je veux vivre avec vous dans l'harmonie, je veux être en paix avec vous, donc je ne vais plus C'est traverser au feu ça en rouge. fait. Ouais, c'est un cercle vertueux. C'est exactement ça. Et je trouve que ça fait du bien de pouvoir de nouveau faire confiance à la bienveillance humaine en fait. Et à l'honnêteté. Parce que à Paris, tu sais, ici, tu peux voir des boutiques qui laissent leurs marchandises dehors. Personne ne va les voler. Et ça, enfin, bon, pas toutes les boutiques, mais tu vois plus ça à Paris ou en région parisienne. Mais tu penses que Même. ça, c'est lié au fait que c'est une petite ville en Allemagne ou c'est dans l'Allemagne en général, en fait? Mais dans l'Allemagne en général. Bon, peut-être pas dans les grandes villes, parce que Freiburg, c'est considéré comme une ville moyenne. Mais en général, ouais, en Allemagne, j'ai l'impression qu'on peut encore davantage faire confiance aux gens qu'à Paris. J'ai pas envie de dire la France parce que c'est pas valable pour toute la France et la France entière ne se résume pas à Paris. Ouais, ça fait du bien ça. Tu sais, tu peux laisser ton vélo un instant sans antivol et en général, t'as 80%, 90% de chances de le retrouver une heure après au même endroit. Alors qu'à Paris, je pense que les chances sont très minimes. Mais déjà, moi je me souviens que juste à Rennes, mon vélo il avait pas fait long feu, donc. Ouais, bon. Ouais. Putain, j'ai une anecdote trop. C'est pas drôle, tu vois. Enfin, maintenant, en y repensant, tu vois, c'est improbable. J'étais parti en date avec une fille, en fait, en centre-ville. Donc, je pars de chez moi, je viens avec mon vélo, j'attache mon vélo à côté de la gare. On se retrouve, on se promène dans le centre-ville et tout. Et à un moment, du coup, on décide d'aller à un autre endroit, en fait, ensemble, où je m'étais dit, bon, bah, vu qu'on est près de la gare, je vais quand même récupérer mon vélo. Comme ça, vu qu'il est un peu tard, une fois qu'on aura fini là où on allait aller dans un autre bar, je repars en vélo tout de suite. Et en fait, sur le chemin, il disait oh, j'espère vraiment que ton vélo il s'est pas fait voler. Il s'est fait voler. Oups. Puis vraiment 2 minutes avant qu'on arrive au vélo. Et enfin, à l'emplacement où il y avait le vélo, elle me fait cette remarque-là. Et vraiment, tu sais, je me retrouve comme un con, tu sais. En face de là où est censé être le vélo, et là je regarde autour de moi, je regarde les autres emplacements aux alentours, est-ce que je me suis pas trompé d'endroit, et là je fais putain, il s'est fait voler. Là là. En fait, je crois la fille, c'était Et ça en voulait vraiment beaucoup, je pense que ça l'a un peu le refroidi. Et moi j'étais là, je me suis dit, merde, ça fait chier. Bon, je passe quand même un très bon moment avec toi, donc ça, je suis toujours de bonne humeur, mais bon, ça fait juste chier. Mais je pense que elle, ça l'a vraiment refroidi de ouf. Et voilà. C'est une petite anecdote comme ça, dans les petites villes. Le nombre de fois où je me suis fait voler mes vélos, Ah, parce que c'est c'était pas maintenant. la seule fois en plus. Oui, je me suis déjà fait voler un autre vélo plus jeune dans ma vie, donc c'était pas drôle non plus. Mais je crois que tu as une histoire assez drôle aussi, toi aussi, avec ton vélo. Ah. Oui. Alors, je suis arrivée en Allemagne. Donc, j'avais pas de vélo. Donc, pendant 2 mois, je me suis déplacée avec l'équivalent des Vélib à Freiburg. Mais voilà. Avoir un vélo pour soi, c'est le plus pratique. Donc, il fallait bien que je récupère un à un moment ou un autre. Et donc, ici, bah, vu que c'est une ville étudiante, t'as plein de monde qui revend son vélo. Et moi, j'ai regardé sur les sites de petites annonces. Et bah, il y a plein d'annonces à Freiburg même. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je jette mon dévolu sur le vélo qui est à 30 km de Freiburg. Et je me lance le défi d'aller le récupérer. Mais d'après les photos, c'était celui qui me plaisait le plus. Voilà, j'avais demandé l'avis de quelques personnes aussi qui s'y connaissaient. Et je m'étais dit, allez, Mélie, tu vas le récupérer. S'il te plaît pas, après l'avoir testé, tant pis, tu reviens en transport. S'il te plaît, tu te tapes les 30 km à vélo. C'était 40 même, 40 km de Freiburg, ouais. Donc, il faisait encore beau à ce moment-là, c'était l'été. Et j'y suis allée. Alors là, je me retrouve dans un patelin. Je ne sais pas où j'ai atterri. Les gens, ils parlent avec un accent, je ne comprends pas. Le mec qui vend le vélo, il travaille dans une petite station-service. Et tu vois, c'est le genre de bonhomme. Il avait un accent super fort, mais tu sens qu'il a une vie assez simple, etc. Et il n'avait pas l'air très loquace. Donc j'étais là, hey, monsieur, je viens de me taper un aller exprès pour le vélo, vous ne pouvez pas m'en dire plus ou... Bref. Mais bon, il avait l'air, enfin il était gentil, c'est juste que je pense qu'il n'était pas très. Ouais, pas très bavard, quoi. Le vélo, comment dire? Je pensais qu'il allait être un peu plus neuf. Mais ça va, il roulait. Encore heureux. Non, mais en fait, alors j'y connais pas grand-chose en vélo, mais c'est un vélo avec donc plusieurs vitesses. Sur l'annonce, il était écrit qu'il y avait 21 vitesses. Et en Ouais. fait, arrivé face au vélo, je vois qu'il y a, je sais même pas comment le dire en français, ni en allemand d'ailleurs, mais Plateau ouais, et t'as juste trois plateaux, ouais, j'en à sais rien, l'avant. mais en tout, il y avait, ça allait jusqu'au numéro 7. Et Oui, ce qui est normal. bah non, pour moi, je m'attendais à 21, vu qu'il y avait écrit 28 vitesses. Oh, mais là, je vais me faire passer pour une. Non, non, Bref. alors attends, non, non, mais t'inquiète pas. Alors, en fait, donc, comment c'est calculé 21 vitesses? C'est parce que, en fait, c'est multiplié entre les plateaux et les vitesses. Donc, les vitesses, c'est du côté droit, donc la roue arrière, où t'as 7 vitesses, multipliées par 3 C'est ça. plateaux. Voilà, c'est ça. Maintenant, Donc, je ça le fait sais. 21 combinaisons. Mais avant, je ne le savais pas. Enfin, je veux dire, au moment où j'ai récupéré le vélo, je ne le savais pas. Du coup, j'étais là et je me suis fait arnaquer. Elles sont où les batteries de vitesse? Donc, voilà, je connaissais déjà pas les termes en français. Donc, voilà, tu me sors les mots en allemand. En plus, avec un accent qui sort de je ne sais pas où. J'ai rien compris. Et tu sais, c'est pas le truc que. C'est pas les vitesses à laquelle. Enfin, tu les Rotative. tournes pas, en fait. Tu les actives. Ouais, avec Je sais pas comment des jeux. c'est comme au flipper. Et bref, du coup, il y a Des des tas de gâchettes. numéros. Ouais, des gâchettes. Et, merci. Et je ne savais pas à quelle vitesse j'étais, ni à quel plateau j'étais. Tout se fait au ressenti, en fait. Donc j'étais là, oh là! J'étais à me taper 40 km avec cet engin que je ne maîtrise pas. Il y a un dénivelé, un putain de dénivelé de 1000 mètres qui m'attend. Comment je vais faire? Bon, bref, j'ai franchement hésité. Mais ça me faisait chier en fait de rentrer à Freiburg sans vélo et de devoir payer le trajet. Du coup, j'ai fait la folle, je l'ai acheté. Et je savais qu'il y avait 40 km qui m'attendaient, avec un soleil de plomb. Et voilà, c'était parti. Les 10 premiers kilomètres étaient en dénivelé positif. Et oh, j'ai cru que j'allais mourir. Alors, je nous remets dans le contexte, voilà, pour que les gens sachent. C'est l'été. Oui, c'est l'été. C'est Je l'ai l'été. acheté un mois et demi après être arrivée à Fribourg. Donc, après 2 mois de quarantaine en France. Après 2 mois Oh la vache. sans sport. Bon, j'avais pris l'habitude de pédaler un petit peu à Fribourg, en centre-ville, mais c'était sur du plat. Et là, c'était juste horrible. Mais j'aime bien les challenges. Donc, J'ai eu ça. ouais, j'y pédalais, mais je m'arrêtais tous les 2 mètres. Pour laisser reposer mes mollets et mes jambes. Non, c'était vraiment horrible. En plus, j'avais pas d'équipement, j'avais pas de casque, j'avais mes lunettes de soleil de plage, j'avais ma tenue de yoga. La meuf qui débarque en touriste, quoi. Mais je pense que les voitures, elles passaient à côté, elles disaient, mais c'est qui celle-là? Parce que tu avais des cyclistes aussi qui passaient à côté de moi, mais eux, ils avaient, tu sais, c'était en position allongée quasiment, avec un casque, avec des lunettes de sportif. Et moi, j'étais là. Ah, j'ai souffert, j'ai fait énormément de pauses, dont une pause au milieu de la pente, parce qu'il y avait une cascade à voir, donc c'était ma petite récompense. Oh. Je savais qu'il y avait des choses à voir, hein. C'est pour ça que j'ai accepté de me taper ces 40 km. Et une autre petite histoire, c'est le genre de rencontre que j'adore. Donc j'arrive presque au sommet, donc jusqu'au bout du dénivelé positif. Je savais qu'après, c'était que du dénivelé négatif, voilà, dénivelé négatif qui m'attendait et du plat. Donc voilà, j'étais motivée et tout. J'étais là en train de me dire, allez, Méline, t'es en train de faire le plus dur. Après, c'est que du gâteau. Et en fait, arrivé au sommet, au sommet, t'as une sorte d'hôtel. Et il y a un monsieur qui me voit. Et je pédale tellement lentement que j'ai le temps, enfin, qu'il a le temps de m'aborder et d'entamer une conversation avec moi. Donc il me hèle et tout, il fait. Enfin, tu vois, il me voit, il me sourit, donc je souris. Et on commence à discuter. Et il m'invite à. Enfin, il me dit, oh là là, c'est. Enfin, je me trouve hyper drôle parce que là, je viens de voir passer un groupe de cyclistes professionnels. Et il y a vous qui suivez, toutes. en mode. La petite. Ah, j'arrive pas à trouver les mots. Mais La petite moi qui amateur. guillerette et tout, et pas du tout sportive. Enfin, je suis vraiment en mode tranquille, tu vois, petite balade, alors que je souffrais. Hein. Et donc voilà, ça m'avait fait rire. Et il m'a invité à prendre un verre, enfin, à faire une petite pause. Et ce monsieur, il s'appelle. Oh non, mince, attends, j'ai oublié son prénom. Au début, j'étais un peu méfiante, hein, parce que j'étais là en train de me dire, ouais, le monsieur, il a genre la soixantaine, qu'est-ce qu'il me veut? Si ça se trouve, c'est un vieux pervers et tout. Et en plus, il m'invite à aller dans sa caravane. Je trouvais ça hyper bizarre. Ah, j'ai oublié comment il s'appelait. J'avais posté une story sur lui aussi parce que il m'avait Monsieur Caravan. George. Georg. Ouais. Georg. Donc, qui est hongrois de base et qui est à Freiburg depuis une trentaine d'années. Donc, bon, en fait, j'ai senti que au fil du temps que je pouvais lui faire confiance. Tu sais, tu le sens au feeling quand tu. Enfin, tu sais si les gens, en général, ont des intentions un peu cheloues ou pas. Et après avoir discuté 2 minutes avec lui, j'ai senti que il ne voulait rien de mal. Et franchement, une pause, ça m'avait fait du bien. Donc, on est allé dans sa caravane. Et en fait, lui, s'était posé dans la plaine qui était derrière l'hôtel, dans un trou perdu. T'avais pas de réseau là-bas. Et il était bien posé avec sans transat, à l'extérieur de la caravane. Il a commencé à me raconter sa vie. Et il me disait qu'il était là depuis donc, 30, 35 ans à Freiburg, mais qu'il venait tous les week-ends au même spot pour se poser et pour s'éloigner des gens. Juste pour se retrouver seul, en fait, et être tranquille et déconnecté de tout. Voilà. Parce que lui, il vivait à Freiburg, en fait. Il vit à Freiburg depuis 30 ans, ouais, une trentaine d'années. Et depuis 30 ans, bah, depuis son arrivée à Freiburg, il vient tous les week-ends au même endroit pour se poser. Et juste profiter de la nature et voilà. Mais il vient, j'ai déjà oublié, de Hongrie. Enfin, ce qui était à l'époque. Enfin, ce qui est aujourd'hui la Hongrie, mais à l'époque, c'était... Ouais. Enfin, j'ai un trou de mémoire. L'URSS? Non, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bon, Mais à l'époque, c'était pas encore la Hongrie, voilà. Oui, mais on conclura juste en disant qu'on est tous les deux mauvais en géographie, ça passera. Et un peu fatigué surtout. Mais tu l'as revu en plus, ce monsieur? Non, je ne l'ai pas revu. Mais on a gardé contact. Bon, on ne se parle pas trop. Mais non, en fait, je garde Oui. énormément. Enfin, je fais énormément de rencontres comme ça. Après, des fois, j'échange les contacts ou pas. Mais non, on va pas s'écrire toutes les semaines, quoi. De temps en Parce que temps, on prend des nouvelles. parce que C'est sympa. j'ai l'impression que tu as une vie aussi vraiment rocambolesque. En fait, tu as été dans combien d'endroits dans ta vie, en fait? Parce que je sais que tu as été en Allemagne, tu as été aux Philippines, tu as été à Taïwan, tu as été où autre aussi? Je sais plus. On peut pas partir là-dessus, Tony. Ça va durer encore 3 heures. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là Alors, pour ça. j'ai été ces dernières années beaucoup en Allemagne. J'ai été à Liverpool, j'ai été en Irlande du Nord, j'ai été en Italie. Où est-ce que j'ai été? Donc pas mal en Europe en fait. Après, je me suis fait des Ouais. petites vacances où là, c'était vraiment que des vacances. Je veux dire, j'ai pas fait de rencontres locales. Mais ouais, dans les pays que je viens de citer, j'étais à chaque fois en immersion, en fait. Et je restais plus de 2 semaines. Mais en totale immersion. Donc je vivais soit avec des locaux, ou soit je faisais tout pour rencontrer des locaux. parce que mon but, c'était d'en apprendre plus sur la culture, sur la vie là-bas, et surtout d'améliorer mes langues, en fait. Et ça m'a beaucoup appris, franchement. Ouais, ces dernières années, je pense que je me suis beaucoup enrichie humainement et culturellement. Je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus dur de reprendre les études. Oh là, Parce je te que jure. qu'est-ce que c'est fade. Ouais, à chaque fois, j'ai fait de super rencontres. Bon, après, en général, les gens avec qui je noue des liens assez étroits, c'est des gens qui eux-mêmes sont ouverts d'esprit. Et donc, en tout cas, moi, à chaque fois, les rencontres que j'ai faites, c'était des gens qui étaient super inspirants, soit de par leur parcours, soit de par leur personnalité, tout simplement. Et soit tout simplement parce qu'ils étaient authentiques, quoi. Et qui voulait bien m'apprendre un peu plus, un peu plus de leur culture, de leur pays, etc. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire lorsque je suis à l'étranger. Mais ouais. C'est passer du temps avec moi, me faire découvrir des choses, surtout la bouffe. Non, la bouffe, me raconter des petites anecdotes, me montrer des endroits, comment dire, des endroits hors des sentiers battus. Ouais, ça, c'est... Et ça, en fait, tu peux le vivre qu'en faisant des contacts, qu'en faisant des rencontres, pardon, avec des locaux. Là où tu ressens vraiment, une Mais du authenticité, coup, quoi. c'est quoi ton process? En fait, comment tu te retrouves à aller vivre chez des gens pendant 2 semaines, 3 semaines, en fait? Alors, j'invente rien, je suis passée par Workaway, c'est un site de mise en relation, c'est un peu dans le même site que le Woofing. Ouais. Donc en fait, tu as beaucoup d'offres là-dessus, tu as de tout. Donc c'est plus varié que le woofing qui en général est plutôt axé sur les fermes, l'agriculture, Ouais. etc. Workaway, tu as vraiment de tout. Tu peux avoir du babysitting, de l'aide dans les réseaux sociaux, dans le marketing, dans la carpenterie. Carpenterie? Charpenterie, punaise. D'anglais et de français. Ouais, vraiment dans tout. Une fois, bah, par exemple, en Italie, j'ai aidé à l'ouverture d'un café D'accord. vegan. À Mais d'accord l'ouverture quoi? d'un petit café. Ah, un café, j'ai Ouais. compris caché, j'étais. Non, un petit café. Oh, trop Près bien. du, ouais, près du lac de Côme. Donc, c'était super sympa. Donc, voilà, tu peux trouver plein d'offres là-dessus. L'inconvénient, entre guillemets, mais je vais expliquer ensuite pourquoi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est que tu dois payer une adhésion annuelle de. Alors, je pense que maintenant, ça doit être entre. Bon, aux alentours de 30 euros Ouais, pour un c'est an rien, d'accent. 30 euros par an. D'accès. Oh là là, punaise. Oui, c'est rien. Parce qu'en fait, ça te permet de te savoir en sécurité, quoi. Tu sais que. Enfin, ça rassure en tout cas les gens qui vont potentiellement t'accueillir. Parce qu'ils savent que tu as Ouais. payé. Et savent qu'ils accueillent pas n'importe qui, quoi. Voilà. Donc, je suis passée beaucoup par ce site ces dernières années. Et bah, après, c'est une logistique. Il faut savoir s'organiser, quoi. Parce qu'il Ouais, faut c'est clair. trouver les dates qui te conviennent. Ensuite, il faut trouver les billets d'avion ou les billets de bus. Aux dates qui conviennent aux gens qui t'accueillent. Moi, après, comme je restais pour une petite période à chaque fois dans les pays, je ne pouvais pas me trouver de job sur place. Donc, il fallait que je travaille aussi en France à un moment ou à un autre. Parce qu'il me faut de l'argent quand même. Voilà. Et puis. Mais du coup, en gros, t'as fait combien d'années de work? Parce que j'ai l'impression que t'as fait ça pendant 4-5 ans, quelque chose du genre. Non, j'ai fait ça pendant 2 ans, mais je revenais régulièrement en France à chaque fois. Et D'accord, en ok. fait, ces 5 dernières années, j'étais jamais restée plus de 6 mois en France. Ouais. Les années précédentes, oui, effectivement, j'ai été aux Philippines et en Tunisie. Et avant les Philippines, Ouais. j'avais été 1 an en Erasmus en Allemagne. Mais c'était pas des workaways. J'ai vraiment travaillé là-bas. J'ai vécu là-bas et c'était pour une plus longue période du coup. D'accord. Et du coup, ça s'est passé comment? Ah là là, les souvenirs qui remontent. Ah ben oui, on est là pour ça, hein. Alors les Philippines et la Tunisie, on va dire que c'est mes. Ouais, c'est mes plus belles. Mes plus beaux séjours, je dirais. Parce que. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est vraiment 2 pays qui m'ont forgé. Et. Attention, ma philosophie. C'est les 2 pays qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Non, mais sérieusement, j'ai énormément appris là-bas. Parce que c'est des pays où. Bah, déjà, qui sont super différents de la France. Et qui sont pas super riches non plus, c'est connu. Et en plus, ces 2 pays qui, comment dire, n'étaient pas très connus avant que j'y aille. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, j'avais jamais entendu parler des Philippines avant d'y avoir atterri, si ce n'est que via les mauvaises nouvelles dans les infos, parce qu'il y a eu un séisme, parce qu'il y a eu un tsunami. Mais Ouais. sinon, à l'époque, c'était pas encore très touristique non plus. Et je me souviens avant mon départ, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire aux Philippines? Tu vas te faire avaler par un tsunami? Donc c'était en 2015. Non, j'y suis allée en 2014, décembre 2014. Et je crois qu'il y avait un tsunami en 2013, si je me trompe pas. En tout cas, il y a eu un très fort tremblement de terre en 2013. Et du coup, voilà, les gens en général faisaient la connexion catastrophe naturelle des Philippines. Voilà. Ouais. Donc, c'est Merci ça que les j'ai trouvé médias. génial, c'est que j'avais pas d'attente et ça m'a permis de découvrir le pays, mais enfin, ça a été que des surprises agréables, quoi. Et pareil pour la Tunisie, donc j'y suis allée, à chaque fois je trouve le meilleur timing pour m'embarquer dans ces aventures. Donc la Tunisie, j'y suis allée en janvier 2016, et donc comme tout le monde le sait, il y a eu les attentats en novembre 2015 en France, et du coup on faisait beaucoup le raccourci musulman terroriste, malheureusement. Merci encore les médias. Ouais, et pareil, on me disait, mais Méline, fais attention. Voilà, tu vas dans un pays musulman, des terroristes, il y en a qui ont des origines tunisiennes, blablabla. Et justement, moi, plus on me disait ça, plus j'avais envie d'y aller pour me faire mon propre avis, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai. Voilà, Non, mais découvrir ce qui est une très bonne autrement que chose en via fait. les médias, ouais. Ouais. Et la culture musulmane, pardon, musulmane, ouais, musulmane, islamique, pareil, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et bah, j'ai adoré mon expérience là-bas. Voilà. Donc j'ai énormément appris sur la vie en général, sur les religions, parce que les Philippins sont très très très croyants, très catholiques. Et donc en Tunisie, ils sont tous musulmans quasiment. Et leur quotidien est rythmé par la religion en fait. Enfin, j'ai vécu le Ramadan là-bas. Ça a été une expérience, ça. Tu l'as fait avec eux? Je ne l'ai pas fait avec eux à proprement parler parce que ça faut un petit entraînement quand même. Il faut savoir que les Ouais, enfants, j'imagine. ils font, enfin, ils y sont habitués dès leur plus jeune âge, mais ils font un semi-ramadan. Donc ils le font la moitié de la journée, je crois, si je ne me trompe pas. Et moi, du coup, je mangeais pas le midi, mais je mangeais très bien le matin. Et dès que je rentrais chez moi, je dînais. Voilà. Mais il m'arrivait de ne pas manger le midi parce qu'en fait, plus personne ne faisait de pause déjeuner. Et puis tout était fermé, en fait. Et puis même si tu ramènes ta gamelle, où est-ce que tu peux manger? Parce que il faut que tu manges en cachette. Voilà. Par respect pour les autres. Et je ne me voyais pas manger dans la cage d'escalier. Voilà. Donc, et puis même m'acheter un chewing-gum, je me souviens, une fois j'avais oublié, et j'étais sortie de chez moi avec un chewing-gum dans la bouche, et je mâchais, je mâchais, je mâchais. Et là, je commence à avoir des regards pas hyper pesants, tu vois, parce que je pense qu'ils voient que je suis étrangère, mais je me dis, oh, mince, c'est vrai, c'est le Ramadan. Et ouais, même mâcher un chewing-gum, en fait, t'as pas le droit, entre guillemets. En tout cas, c'est mal vu, c'est manquer de respect. Donc voilà. Mais ensuite, t'as une ambiance le soir, c'est juste génial. Surtout lorsqu'il fait beau, lorsque le ramadan tombe en été. Ouais, c'est une ambiance. Non, faut le vivre. Ouais, moi, j'avais adoré. Après, j'ai eu de la chance d'y avoir rencontré des gens géniaux. Après, en général, ils ont la main sur le cœur là-bas. Et ouais. T'as des soirées tous les soirs pendant un mois. Ah, ça doit être fou. Ouais. C'est ouais. En plus, moi, de ce que j'ai entendu, la Tunisie, ça a l'air fou comme endroit. C'est beau, t'as des beaux endroits à visiter. Ouais, c'est très varié. Alors, c'est un très petit pays, c'est le plus petit pays du Maghreb, entre l'Algérie et le Maroc, mais qui a tellement à offrir. Et ouais, j'ai connu des facettes de la Tunisie que je n'aurais jamais soupçonné avant. Par exemple, je me suis tapé la grêle en Tunisie. Nous, on n'associe pas la grêle à la Tunisie. Donc, ouais, une fois, on était allé randonner dans une forêt qui est très appréciée des locaux, qui s'appelle Aïn Draham. Et en fait, c'est l'équivalent des forêts normales chez nous. Donc, moi, j'avais pas trouvé ça magnifique. Mais pour les Tunisiens, au contraire, c'est un paysage qu'ils ne trouvent pas souvent. Et eux, ils vont trouver pardon, que le désert est ennuyeux à mourir, mais moi, je vais trouver le désert super beau. Bref, c'est une autre perspective. Et ouais, du coup, on est allé randonner là-bas. Et il faisait froid, mais froid. On s'est tapé la pluie et ouais, à un moment, il a commencé à grêler. Enfin, moi, je m'y attendais pas, j'étais pas prête. Enfin, je sais pas, je m'étais dit que en Tunisie, il ferait toujours beau, ou du moins plus chaud qu'en France. Ouais, à Et fond. ouais. Puis t'as d'autres coins un peu moins connus, mais qui ont malheureusement énormément souffert depuis les attentats. T'as plein d'hôtels qui ont fermé dans le sud de la Tunisie, et pourtant c'est magnifique le sud de la Tunisie. C'est là où a été tourné en partie Star Wars, où t'as encore des lieux de tournage. Oula! Waouh! Hey, attends, quel temps tu m'as fait parler? Ça fait combien de temps qu'on parle d'ailleurs parce que j'oublie qu'on est enregistré. C'est pas grave. Non mais ah, Star Wars. Faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles. Ouais, bien entendu. Ouais, c'est vraiment joli. T'as vu Bah l'igloo bref. de Tatooine de l'épisode Ouais, 4? bah y a... Mais Tataouine, ça existe vraiment, c'est une ville en Tunisie. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Je trouve c'est fou. Ouais. En fait, il a rien pompé, George Lucas, en fait. Enfin, il a rien inventé, il a tout pompé, en fait. C'est ça. Et lui, Tatooine, il a fait Tatooine. Mais en On fait, va pas changer le nom. c'est vraiment en plein désert et ils ont laissé les décors là-bas. Du coup, c'est bien, ça fait une Ouais. attraction touristique. Ouais, mais je crois que c'est maintenant le truc qui vraiment il tombe à l'abandon et il y a des tags à l'intérieur et tout de ouf. Je crois que c'est Alors là, pas ce ouf que j'y étais, de. non, ça allait. Franchement, c'était un bon état et je pense que les locaux en prennent soin justement parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire ils peuvent se faire un revenu là-dessus. Donc ouais, Ouais. à l'occasion, vas-y, je t'encourage vraiment. Bah Soutiens attends, le tourisme non mais tunisien. tu viens de voir ma réaction par rapport à un truc qui est lié à Star Wars. J'ai un tatouage lié à Star Wars, donc à partir de là, Star Wars c'est ma vie. J'ai un sabre laser dans ma chambre. Attends, tu viens de dire que t'as un tatouage Star Wars? J'ai un tatouage lié à Star Wars, oui, évidemment. Je te montrerai plus tard. Donc, est-ce que l'interview se transforme en confession intime? Je rigole. Dis-nous en plus, Tony. Mais Ok. j'espère que les gens savent que je suis tatoué. J'ai des tatouages partout, de toute façon. Sérieux? Ah, j'étais pas au Oui, courant. oui. Oui, mais non, mais très peu de gens sont au courant, en fait. Mais je les cache très bien. C'est mes capacités de ninja qui font qu'ils sont très bien tatoués. Tatoués. Ils sont très bien cachés. Lapsus révélateur. En fait, comment tu t'es retrouvé, en fait, en Tunisie et aux Philippines, en fait? T'as cherché un travail là-bas ou t'as. T'y aller en disant bon bah je vais trouver un travail sur le tas. Non, j'avais trouvé C'est quelque quoi? chose avant d'y atterrir, mais le plus drôle, c'est comment je m'y suis trouvée. Alors, écoutez bien. Ah! Non, en vrai, c'est pas. Il n'y a rien de fou. Mais comme quoi. Alors, déjà, j'avais pas d'attente. Je savais juste que je voulais partir de France, voyager Ouais. et aller dans un pays. Voilà. Et en fait, j'ai fouiné un petit peu partout. Donc, l'offre des Philippines, je l'ai trouvée sur l'étudiant. L'étudiant.fr. Il y a une catégorie, en tout cas, il y avait à l'époque une catégorie insolite dans les jobs. Du coup, j'ai cliqué sur la catégorie insolite et j'ai vu ça. Voilà, mais c'était pas gagné au départ. Hein. J'avais écrit un email très spontané parce que je cherchais quelqu'un dans le secteur du tourisme, donc avec de l'expérience là-dedans, au moins de BTS tourisme. Et moi, j'en avais pas, donc j'y étais allée au culot. J'avais dit bonjour, j'ai pas du tout d'expérience dans le tourisme, j'ai pas du tout le profil, mais j'ai énormément de bonne volonté, je suis motivée, blablabla. Voilà, et on m'avait dit à ce moment-là qu'ils avaient déjà trouvé quelqu'un, mais qu'ils avaient beaucoup aimé mon email. Et en fait, je crois un mois après, ou deux, ils sont revenus vers moi en me disant que bon, finalement, ça c'était. Enfin, la personne qu'ils avaient choisie au départ, voilà, ça se passait pas très bien, donc ils m'ont demandé si je cherchais toujours, si j'étais toujours intéressée, et bien entendu, j'ai dit oui! Et voilà, c'était parti. J'avais quel âge à Putain, mais l'époque? deux, J'avais trois mois 20. après, en plus, Ouais. c'est fou, c'est. Ouais, j'avais 21 ans à l'époque. Donc, inutile de dire que ma mère avait un petit peu peur pour moi. mais non, j'ai adoré les Philippines. Donc, c'était dans un centre de plongée. J'ai rencontré des gens géniaux. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à être éveillée, conscientisée, on va dire, aux problèmes environnementaux. Parce que bah, les Philippines, bon, c'est pas comme en France. En France, on a la chance de, on va dire, les déchets sont assez bien traités. T'as des pays où les déchets ne sont pas du tout traités, en fait. T'as des décharges en pleine Comme les nature. Philippines. Ouais. Voilà. Et les décharges, notamment, c'est souvent les plages et l'océan. Du coup, j'avais atterri dans cette équipe, donc francophone, et ils promouvaient, j'ai un doute. Ils Oui, ça faisaient la passe, promotion ça se comprend. Ouais. de l'écotourisme. Voilà, et du, comment dire, de la plongée responsable, on va dire. Donc, Trop bien. ouais, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert le monde de la plongée, le monde sous-marin, et j'ai adoré. Ouais, grosse histoire d'amour qui a commencé depuis ce moment-là. Mais du coup, Ouais. ça consiste en quoi la plongée éco-responsable et... Donc, ça consiste par exemple à ne pas plonger dans des lieux où les animaux sont nourris. Parce que voilà, quand tu plonges, quand tu fais de la plongée bontée, c'est surtout pour observer la vie sous-marine. Et donc, quand t'as rien à voir, avouons-le, t'es un peu déçu. Donc, en fait, t'as des spots où des locaux, des gens vont nourrir exprès la faune, en fait, pour les attirer et pour que les touristes puissent les voir, quoi. D'accord, ok. Donc, il y a ça. Il y a aussi. En fait, l'équipe dans laquelle j'étais, elle privilégiait les petits groupes de plongée parce que tu en avais qui te faisaient plonger avec, bon, je dis peut-être des bêtises, 8 ou une dizaine de personnes pour rentabiliser un max, pardon. mais du coup, au niveau sécurité, c'est pas top, quoi, parce que. Alors, je crois qu'il y a des règles. Normalement, c'est un moniteur pour un groupe de max, je sais pas, 5 personnes. Mais là, ils privilégiaient vraiment les petits groupes. Donc, c'était un moniteur pour un petit groupe de 2 ou 3 personnes max. Donc, tu étais vraiment bien encadré. Et du coup, qui dit bien encadré, dit comment dire? Les mouvements sont un peu plus, un peu plus te surveiller sous l'eau, tu vois. Voir si tu donnes pas des coups de palme dans les coraux ou si tu touches pas n'importe quoi. Voilà. Et puis, il y a des sanctuaires aussi, des sanctuaires sous-marins, des sanctuaires aquatiques, donc qui sont dont le nombre d'entrées est limité par jour. Donc là aussi, on va respecter les règles parce que t'en as qui vont aussi sans respecter les règles d'entrée. Voilà. Mais après, aujourd'hui, ça, je pense que ça a énormément changé. Je le vois sur Ouais. les réseaux sociaux que les Philippines aussi prennent de plus en plus conscience. Il y a des initiatives des locaux, donc c'est génial. Mais ouais. Je suis hyper reconnaissante de cette expérience parce que bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore le monde sous-marin et l'océan en général. Voilà. Et puis T'étais je resté fais du combien de sport. temps là-bas ou t'es resté où là-bas? C'était Alors où? j'étais à Panglao, sur l'île de Bohol, dans les Visayas. C'est dans le centre des Philippines, mais aujourd'hui c'est devenu hyper touristique. Ah Bon. mince. Je veux dire aujourd'hui en général, parce qu'aujourd'hui, donc j'ai encore des amis là-bas qui me disent qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus de travail à cause Ouais. du coronavirus. Et déjà que la situation est assez difficile là-bas, c'est pas très drôle aujourd'hui. Petit aparté, je crois que c'est aux Philippines que le siège social de Fort Ocean. Donc le chiffre 4, Ocean, s'est installé. C'est Si vous possible. connaissez pas si les auditeurs connaissent pas Fort Ocean, donc c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans le nettoyage des océans en fait des déchets plastiques et donc ça a été fondé par deux surfeurs australiens qui en avaient marre de voir des déchets plastiques dans l'océan et donc ils ont dit faut faire quelque chose et donc ils ont tout un crew de personnes et ils font des meetings, des events en fait dans différentes plages à travers le monde pour nettoyer les plages et ils inventent aussi des machines pour nettoyer les océans et c'est trop cool. Voilà. Et je crois qu'ils se sont installés aux Philippines, mais à reconfirmer. Ah là, je ne saurais pas te dire. Je connais l'association, mais non, je ne connais pas du tout où se trouve leur siège. Ouais. Donc voilà. Et comment tu t'es retrouvée également en Tunisie? Tu faisais quoi Alors, là-bas? Tunisie. Alors, à Tunisie, j'ai trouvé l'offre. Donc, c'était une offre de stage sur un groupe Facebook. Le mec, il a posté un truc. Donc l'offre de stage. Tunisie, enfin, il prenait tout en charge, le billet d'avion, le loyer. J'étais là, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais j'ai quand même envoyé un email et ils ont répondu un mois après. Ah la vache, ouais. Ouais, moi j'avais laissé tomber, je m'étais dit, bon, ça doit sûrement être une arnaque, c'est trop bizarre. Et non, ils sont revenus un mois après avec une réponse positive. Pour un entretien, en tout cas. J'ai fait l'entretien. Ça s'est super bien passé. À ce moment-là, j'étais en CDI dans une petite boutique de luxe pour me faire des sous. Lorsqu'ils m'ont annoncé ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais démissionner, je crois. Et donc, voilà. Ouais, tout ça pour dire, les petits sites, là, qui payent pas de mine, genre l'étudiant ou les groupes Facebook, franchement, on sait jamais à quoi ça peut nous mener. Voilà, du coup, j'étais partie pour 6 mois de stage là-bas. Ah oui, donc aux Philippines, j'étais restée 8 mois en tout. Et en Tunisie, 7 mois. Mais franchement, enfin, j'étais tellement en immersion là-bas que j'ai l'impression d'avoir vécu un an là-bas, au moins. Et j'ai encore des contacts assez fréquents avec des amis là-bas. Mais j'ai appris la langue locale, donc des dialectes, qui me servent Ouais. strictement à rien. C'est J'ai vrai? encore quelques rudiments. Ouais. Ah oui, ils me servent à Non, mais rien. tu croises pas d'autres Tunisiens avec qui tu peux parler des dialectes arabes là-bas? Bah, si, bah oui, si je croise des Philippins ou des Tunisiens, je peux sortir quelques mots, mais je veux dire. Bon, je les mets quand même sur mon CV parce que je me dis c'est peut-être la différence. Enfin, le petit détail qui peut faire toute la différence, tu vois, et attirer l'œil du recruteur. Enfin, moi, j'en suis convaincue, mais dans la vie de tous les jours, non, ça me sert pas à grand-chose. Et tu faisais quoi là-bas? En Tunisie, j'étais stagiaire dans une boîte de traduction. Donc, c'était une agence allemande. En Tunisie, comme ils parlent français, il leur fallait quelqu'un aussi qui traduise de l'allemand vers le français. Voilà, donc j'étais la première Ah. Française à intégrer leur équipe. Tout le reste de l'équipe était soit tunisienne, soit allemande. Et c'est comme ça aussi que j'ai continué à pratiquer l'allemand, en fait. Ouais, super expérience là-bas aussi. Trop cool. Ouais. Donc t'as dit c'était où en Tunisie? C'était à Tunis, donc la capitale. Trop bien. Ouais. Ouais, vraiment chouette. Par D'accord. contre, ouais, environnement complètement différent. Malheureusement, là-bas, c'est comme les Malheureusement, il grêle Philippines. là-bas. Ouais, en partie. Mais oui, il y avait aussi pas mal de pollution. Non, mais j'ai pas envie qu'on finisse sur ça. Non, la Tunisie, c'est un super pays. Faut y aller, voilà. T'inquiète pas, on n'est pas prêt de finir. J'ai d'autres questions en fait sur lesquelles j'ai envie qu'on Sérieux? discute ensemble. Mais du coup, ouais, c'est en fait ils ont pas encore cet éveil de la pollution, des déchets, ce genre de trucs comme il peut y avoir dans d'autres pays en Afrique, c'est ça? C'est ça. Ou comme en France, en Ouais. fait. Mais après, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut dire. Ouais. Parfois, j'ai l'impression qu'en fait, pouvoir être écolo, entre guillemets. Ouais. C'est un peu un luxe. Et un peu. Non. Ouais, c'est un peu maladroit. Parce qu'il y a, y a plusieurs années, on n'était pas aussi responsable non plus en France. Mais comme on est un pays un peu plus développé, et donc un peu plus en avance que certains autres pays, voilà, il y a un petit gap temporel, on va dire. Et en Tunisie et aux Philippines, ils ont tellement d'autres soucis. Enfin, là-bas, c'est... Il faut survivre, quoi, avant tout, avant de penser à la planète. Ce que je peux comprendre, et en même temps, je me dis, apprendre à ne pas jeter ses déchets n'importe où, en fait, tout le monde peut le faire. Mais c'est... Oui, ils sont pas... ils ont pas cet éveil-là. Après, aujourd'hui, je pense que ça a changé aussi, hein, parce que la Tunisie, ça remonte à, il y a quelques années aussi. Mais ouais, j'ai pas envie qu'on retienne ce côté. Mais De juste ces une question. pays. En gros, leur système de poubelle là-bas, c'est. Ils ont des déchetteries ou ils ont juste des fosses dans lesquelles ils enterrent leur poubelle, c'est ça? Non, ils ont pas de. Alors, ils font pas le tri. Ouais. Il n'y a pas du tout de tri. Et en fait, ils jettent les. Alors, non, tu as des villes en Tunisie où tu n'as pas d'éboueurs, en fait. C'est un luxe, Ouais. les éboueurs. Ouais, je Pour vois. nous, enfin, nous, on a pris ça pour acquis, mais ouais, t'as pas des boueurs qui passent, du coup, les locaux les jettent. Enfin, une fois, on avait fait une rando dans une forêt, bah, c'était dans cette forêt justement où il a grillé. Et on est passé à côté d'une décharge, mais un tas de déchets, et j'avais jamais vu ça dans ma vie. Et c'était hyper triste, et en même temps, bah, tu pouvais pas les blâmer parce que bah, c'est là où j'ai appris que les petits villages aux alentours, ils avaient pas de lieu dédié au traitement des déchets, en fait. Et que Ouais. la ville ne les aidait pas, le gouvernement non plus. Donc, Ouais. si le gouvernement n'en donne pas les moyens, et que les gens, les locaux ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins, c'est un peu problématique. Ouais, c'est clair. Moi, j'espère aujourd'hui que ça a un peu changé, mais pour tout te dire, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Ça marche, ça marche. J'ai envie de parler avec toi de ta vie de franco-taïwanaise. Oh là là, t'as grandi il y a 3 mois. Sais, Hey, j'ai j'étais pas du parti à tout la pareil base à sur un long toi. épisode avec toi. En fait, je savais que ça. En débutant. En fait, en prévoyant l'interview avec toi, je savais qu'il y avait trop de sujets avec lesquels, sur lesquels je voulais discuter avec toi. Parce que j'ai l'impression, en suivant ta vie sur les réseaux sociaux, que ta vie était folle. Et vraiment, je m'étais dit, mais il faut trop que je fasse un très long épisode avec elle. Mais vraiment, un Mais je très peux long. pas en parler pendant une interview. Mais moi, je ne suis plus ma vie. J'ai des amis qui me disent, mais Mélanie, t'es où? J'arrive plus à te suivre. Mais moi non plus, j'arrive plus à me suivre. Donc là, tu me fais repenser à des souvenirs qui datent d'il y a plusieurs années. Mais là, je suis en train de les remplacer par d'autres souvenirs, tu vois. C'était quoi la question? Ah oui, ma vie en tant que franco-taïwanaise. Déjà, alors, donc t'es né en France ou t'es né à Oui. Taïwan, je sais plus. Non, je suis née Tu en m'avais dit. France. T'es né en France, mais tu vas très souvent à Taïwan, de souvenir, c'est ça? Pas si souvent que ça, non, pas aussi souvent que je le souhaiterais. Ça fait 5 ans que je suis pas allée. Ouais. Ouais, Bon, en même temps, ces malheureusement. 5 dernières années, t'étais très occupé à autre chose, donc. C'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, je sais pas, Taïwan, comme c'est un pays que je connais un peu déjà, en fait, les choses que je connais ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inconnu. Tout ce qui sort. Bah du commun, quoi. Donc la Tunisie, les Philippines. Mais par exemple, l'Australie, ça m'intéresse pas. Bon, je voudrais bien y aller pendant quelques semaines et tout, mais ça m'intéressait moins à l'époque que les Philippines, par exemple. Donc oui, j'ai toujours mes grands-parents à Taïwan. Ma mère, elle va très régulièrement, par contre, pour rendre visite à ses parents. Mais ouais, moi, ça fait très longtemps que je suis pas allée. Et en fait... après avoir été aux Philippines et en Tunisie et dans d'autres pays, mais bon, je me réfère surtout aux Philippines et en Tunisie, vu que c'est là où j'ai vraiment passé énormément de temps, je me rends compte qu'en fait, je connais pas du tout Taïwan. Et je trouve ça un peu dommage parce que mes grands-parents, eux, ne parlent pas mandarin. Ils comprennent le mandarin, mais ils ne le parlent pas, donc ils répondent en dialecte taïwanais et moi, je ne le parle pas. Et je me dis, mais punaise, mais oui, tu peux comprendre. Le dialecte philippin, enfin, l'un des nombreux dialectes philippins. Tu peux comprendre un peu le tunisien et tu peux même pas comprendre le dialecte de tes grands-parents. Et c'est Tu là sais, que on a la même problématique de vie, hein. C'est pareil pour moi. Je parle je... l'anglais, un peu l'espagnol, un peu le mandarin, j'ai beaucoup perdu, mais je ne parle pas le cambodgien. Et ça, c'est lié, la seule connexion que j'ai avec tout le reste de ma famille. Donc. Ouais, c'est un peu frustrant parfois. Hein. Ouais, toi aussi, t'as passé des longs repas de famille à être dans le silence. Non, ça va. Ah oui, tu m'en avais déjà parlé. Non, ça va, Ah j'ai pas... j'ai pas ce problème-là. Oui, après, en général, mes repas de famille, c'est en mandarin. C'est pas en mandarin. C'est la langue que tout le monde parle et que tout le monde comprend en général, donc ça va. Mais à Ah, mais du coup, au final, en Taïwan... fait, c'est tes grands-parents qui sont isolés à être là, à vous regarder tous, et en fait, ils sont là comme des cons à dire. C'est des connards, en fait, ils veulent pas nous parler de la bonne langue. Non, à Taïwan, par contre, oui, c'est un mélange de mandarin et de taïwanais, mais mes grands-parents comprennent Ouais. le mandarin, donc il n'y a pas de souci. En fait, ils Ah, peuvent me d'accord, ok. comprendre, mais moi, je ne le parle pas, donc je ne parle pas le dialecte, donc je ne les comprends pas forcément D'accord, tout le ok. temps. Et oui, sinon, est-ce que tu as des questions sur ma vie en tant que franco-taïwanaise en France ou en Allemagne, du coup? J'avais une question, mais j'ai oublié du coup. C'était quoi? C'était. Ça peut être un sujet hyper intéressant pour un podcast, la vie en tant qu'asiatique en France, surtout que c'est hyper discuté en ce D'actualité. moment. Ouais. Malheureusement. Mais. Ouais. Comment? Non, mais pour vous donner du contexte, c'est par rapport à des faits récents de tweets sur les réseaux sociaux de propagande à la violence contre les Asiatiques liée au deuxième confinement qui a eu lieu en novembre 2020, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Je mets tout le Non, temps. mais j'essaie de redonner du contexte. J'essaie de faire un programme un peu professionnel, même si c'est pas le cas. Sous-entends que là, je ne suis pas professionnelle du tout. Non, Non, c'est moi, mais à j'ai la partir du vérité. moment où on a bu tous les deux des verres de vin et qu'on est là à Hein? faire ça à Non, pas l'arrache, du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes, Tony? Ah, ouais, j'ai la question. Comment ils réagissent tes parents à partir du moment où tu as commencé ta vie de troubadour, on va dire? Parce qu'on est d'accord, les parents asiatiques sont assez protecteurs, on va dire. Ouais, c'est Et vrai. donc, nous voir comme ça, à partir à l'inconnu, un peu à l'arrache. Ouais. Alors, je le précise juste, j'ai perdu mon père il y a presque 11 ans, donc ma mère se retrouve toute seule. Et disons que, elle, contre moi, elle n'a aucune chance. Je suis assez rebelle. Elle m'a dit, notamment avant mon départ pour les Philippines et la Tunisie, qu'elle s'inquiétait beaucoup. C'est pas des pays très, très réputés au niveau sécurité, etc. Et après, c'est normal, hein. C'est une mère avant tout. J'étais encore jeune à l'époque. Je le suis toujours, la meuf qui essaie de se rassurer elle-même. Mais elle a vu que j'étais déterminée. Et ma mère, au fond, elle aime bien profiter de la vie aussi. Elle adore voyager. Donc, elle comprenait. Et elle savait qu'elle avait aucune chance. Je lui ai dit que j'allais partir dans tous les cas. Et puis, j'allais faire attention à moi, etc. Et en fait, le plus drôle, c'est que avant chaque départ, ma mère s'inquiète beaucoup. Mais une fois que je suis sur place, c'est silence radio. On s'appelle genre une fois par mois, quoi. Voilà, elle se fait toujours beaucoup plus de soucis lorsque je vis avec elle sous le même toit ou lorsque je la vois souvent que lorsque je suis à des kilomètres d'elle, ce qui est un peu paradoxal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais rajouter autre chose. Ah oui, et aussi du fait que elle ait perdu son mari et que nous on ait perdu notre père, mes frères et sœurs et moi. On a d'autant pris on a d'autant plus pris conscience qu'il fallait profiter de la vie, quoi, et faire les choses ouais. dont on a envie, tout simplement de voyager et puis voir le monde. Voilà, donc elle comprenait en partie. Et ouais, ma mère, non, j'ai eu de la chance, elle m'a toujours soutenue. Enfin, ouais, bon, elle a toujours été un petit peu réticente, mais elle m'a jamais empêchée de partir, en tout cas. Et ouais. Même financièrement, je savais que si j'avais le moindre pépin, je pouvais compter sur elle. Mais ouais. Donc, non, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Parce que du coup, tes sœurs, elles ont le même tempérament que toi. C'est, elles aussi, elles sont parties à l'aventure en mode troubadour. Qui ça? Tes sœurs. Alors, j'ai une sœur, une grande sœur. Oui, elle adore voyager aussi. Elle a pas mal voyagé pendant ses années d'études pour faire des échanges, pour faire Erasmus, etc. Elle était venue me rejoindre aux Philippines, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que ma mère avait déjà un avant-goût, mais je pense que moi, j'étais passée à la vitesse supérieure. On a vu ça, voilà. On a compris ça. Ouais. Mais ma mère, non, elle était très contente, hein. Elle est venue me retrouver en Tunisie, donc on est allé voir Star Wars avec elle, enfin, les lieux de tournage, elle était avec moi. Elle était très très très contente. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le coin Torcy-Noisy-Allogne, petite anecdote. Donc, elle est venue me rejoindre à Tunis. Et les gens à Tunis, ils t'abordent direct. Tu vois, ils sont très ouverts. Bon, t'as tendance à être méfiant au départ. Mais tu t'aperçois, en fait, que c'est que ça part que... oh là là, d'une bonne attention. Et ma mère, au début, elle avait assez peur. Et ensuite, elle me dit quoi? Alors, elle m'avait tué, elle m'a dit: mais en fait, Mélie, c'est comme un noisiel. C'est comme le marché de noisiel. Bon, les gens qui connaissent noisiel sont à quoi on fait référence. Le marché du mercredi et du samedi, vendredi, c'est ça? Vendredi après? Ouais. Non, mais j'étais très contente que ma mère... Non, mais tu sais, en vrai, vraiment, le jour où j'irai en Tunisie, je me ferai cette réflexion-là. Mais en fait, c'est comme le marché de noisiel. Non, mais ma mère, voilà, c'est... Bon, voilà, elle avait cette mentalité un petit peu asiatique, et disons qu'il y a quelques frictions entre les Asiatiques et les Arabes. Et elle avait très peur, elle avait toujours ses préjugés sur le fait que les Arabes, c'est tous des racailles, blablabla. Et, ce qui n'est pas vrai. Oui, et ce qui est valable pour toutes les communautés d'ailleurs. Il y a du bon et du moins bon partout. Et oui, du coup, elle s'est aperçue qu'en fait, les gens étaient inoffensifs là-bas. Et ouais, elle-même, elle a commencé à parler avec tout le monde, à taper la discute. Donc, non, je suis très contente qu'elle soit venue me rendre visite en Tunisie et qu'elle ait découvert ce pays-là aussi. Voilà. Ouais. Trop cool. Ouais. J'ai deux dernières questions. J'aurais peut-être dû t'en parler un peu avant parce que je pense que tu auras du mal à fouiller dans tes souvenirs. J'aime bien finir mes interviews avec une histoire drôle. Un peu what the fuck qui t'est arrivé. Genre, si t'as une anecdote vraiment improbable que j'appelle les histoires what the fuck. Oh là là. Si t'as un souvenir vraiment du truc le plus improbable qui t'est arrivé dans ta t'aurais vie dû prévenir, de voyage. De quoi on allait parler déjà. T'aurais peut-être dû aussi écouter les interviews en avance. Bon, d'accord, je l'avoue. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je m'étais dit, allez, ça va être un truc entre potes, donc. Ce qui était le cas. Tranquille. Non, mais je suis sûre que je vais m'entendre parce que t'auras préparé le podcast et je vais te dire, mon Dieu, mais est-ce que c'est moi? Bref, alors des anecdotes. Ou plusieurs. J'en ai quelques-unes et comme par hasard, ça. Fais toujours référence à la bouffe. Aux Philippines, donc j'étais sur une petite île assez rurale. Et donc j'avais des amis qui étaient assez, on va dire, qui vivaient assez modestement. Et t'en as pas mal qui ont des poules. Ils élèvent eux-mêmes leurs poules. Et Voilà, parce qu'ils ont besoin d'en manger, ils les tuent. Alors, c'est un truc que je trouve bien d'ailleurs aux Philippines, c'est qu'ils ne tuent pas pour le plaisir de tuer, ils tuent seulement ceux dont ils ont besoin pour Par nécessité, vivre. ouais. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui ont des poules, et en fait, tu as des serpents aussi aux Philippines, là où j'étais en tout cas. Et un matin, j'apprends, donc on allait rendre visite à des amis, on apprend que leurs poules se sont fait attaquer par un serpent. Ils ont trouvé le serpent en question. Ils l'ont tué. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont cuisiné. Ils m'ont servi au petit déjeuner. Voilà, donc j'ai bouffé du serpent au petit déjeuner, avec du riz, parce qu'ils mangent du riz là-bas au petit déjeuner, comme dans beaucoup de pays asiatiques. Et avec le reste du serpent, ils ont gardé la peau pour en faire une ceinture. Alors moi, je trouve ça génial. Je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas trop les moyens, mais justement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, c'est triste, et en même temps, je trouve ça super. C'est qu'ils font preuve d'ingéniosité, et du coup, ils pensent sustainability. Qu'en appelle-t-on? Ouais, Durabilité, recyclage. voilà. Ouais. Recyclage. Ouais, donc c'était la première fois que je mangeais du serpent. C'était très étrange parce que j'ai vu le serpent, j'ai vu la tête du serpent coupée avec du sang qui giclait de partout. Et je l'ai vu ensuite grillé, rôti, et ça sortait ultra bon. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et Bah, bah, c'est la vie, hein. C'est la vraie connexion à la vie qu'on est tous censés avoir, hein. C'est pas juste acheter le poisson pané au supermarché et qu'en fait, que les enfants ils se disent, Ah, le poisson pané, ça a une forme carrée une fois dessiné, c'est pas C'est ça. vrai. C'est vrai. Et non, c'était. Bah, ça avait le goût du poulet. J'avais déjà entendu des témoignages de gens qui disaient que ça avait le goût du poulet. Et effectivement, ça goûte comme le poulet, mais en plus élastique. Voilà. Et sinon, une autre fois, j'étais sur une autre île avec des amis. Et ils m'ont emmené manger une spécialité locale. J'ai dit, bon, si c'est une spécialité, ça doit être super bon. Donc je me suis laissée porter. Et en fait, arrivé dans ce petit bouillis, tu dois le cuisiner toi-même. Donc on te donne deux petits récipients avec des trucs dedans, voilà, des trucs à bouffer. Donc ça se bouffe, bah, pour moi c'est tout bon. Et donc tu mélanges ça avec du riz, etc. Donc je bouffe et tout. Je trouve que ça va. C'est pas trop mal. Et en fait, le petit bouillis a déjà gagné. Enfin, c'est un bouillis assez connu dans le coin, qui a fait plusieurs apparitions dans les journaux locaux. Et en fait, tu as des articles de journaux qui leur est consacré sur les murs. Donc, je lisais. Et puis là, je vois la description du plat que je viens de manger. Et je leur fais, mais attendez, les amis, il y a de la cervelle de porc dans le plat que je viens de manger. La cervelle et quoi d'autre? Du foie, je crois. Alors, je sais que pour certains, les abats, ça n'a rien de dégueu. Mais moi, je déteste ça. Je déteste les abats, ça m'écœure. Rien que d'y penser, oh, ça ne me donne pas envie. De manière psychologique ou de vraie manière Je crois que c'est gustative? plus psychologique. Et même gustativement, le foie, c'est assez fort, mais je n'avais pas trop ressenti. Mais c'était surtout la cervelle, en fait, qui m'avait choquée. Oh! Et je voulais vraiment vomir à ce moment-là. Mais moi. voilà. C'était déjà avalé de toute façon. Et ouais. Bon. Après, ça fait partie des aventures gustatives en Asie. Tu trouves tellement de tout là-bas. Des insectes, des intestins. Mais oui, en fait, pour moi, c'est what the fuck. Mais je pense que pour certains qui nous écoutent, là, c'est pas si what the fuck. Oui, tu me prends un peu de cours, j'avoue. Non mais tu sais, je Je pensais que suis. t'allais citer l'histoire avec l'œuf Ah couvé. oui! L'œuf couvé, ouais. Mais je crois que tu peux en trouver en France. Ouais, ben on en achète. Moi j'adore ça en vrai. Enfin j'adorais ça. Je sais que ça fait des années que j'en ai pas Sérieux, mangé, t'adores mais ça? à l'époque où j'étais pas encore végétarien, oui j'adorais ça. Ah, t'es devenu végétal, Oui, je suis devenu hein? végétarien. Mais c'est un œuf avec un goût de poulet en fait. C'est trop bon. Ah C'est ouais, trop mon Dieu, il bien. avait un goût d'huître. Ah ok, Bon. d'accord. Ouais. Un goût de poulet, ok. Oui, alors j'ai goûté ça aux Philippines parce que c'est un truc des Philippins Donc, pour indoor. donner le principe, l'œuf couvé, en fait, désolé de vous informer de ça, c'est un œuf dans lequel le fœtus du poussin s'est déjà formé, en fait. C'est pour ça que ça a un goût de poulet. C'est en gros, il y a de la chair de poulet qui s'est déjà formée, il y a le bec et les pattes qui parfois se forment déjà, et ça a la gueule d'un fœtus de poussin pas encore entièrement développé. Voilà. Bon appétit. Bon appétit! Donc c'est un mets qui est très apprécié, je crois, au Vietnam, bon, en tout cas en Asie, dans certains pays Ouais. d'Asie du Sud-Est, donc aux Philippines. Ils adorent ça, ils en raffolent. Et je m'étais dit que je devais y goûter avant mon départ, avant de quitter le pays. Et ça a attendu mon dernier jour. J'ai tellement repoussé ce moment. Voilà, j'ai goûté ça. Et en fait, celui que j'avais, donc déjà quand tu épluches, tu épluches, enfin quand tu ouvres Des la coques. coquille, ouais, merci. Ça fait trop longtemps que t'as pas parlé français, en fait, toi. Ouais, c'est ça, j'arrive plus à, j'ai plus les mots. Bref. Moi j'avais du jus et ouais, le jus avait un goût iodé. Donc c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Mais ensuite, comment j'ai commencé à décortiquer la coquille, j'ai donc commencé à apercevoir le fœtus et les plumes surtout. Alors ça, je te les cache pas, ça m'a un petit peu dégoûtée. J'ai croqué dans un truc blanc. Voilà. C'était dur, je ne sais pas ce que c'était. C'était Mais à un l'œuf, moment. enfin, le bout, tu sais qu'elle a pas, quand tu fais un œuf dur, c'est la partie blanche de l'œuf dur, c'est Ah, ça. c'était très dur. C'est le placenta. Ah, C'est le génial. placenta de l'œuf. Et ouais, je suis tombée aussi à un moment sur des os. Donc des os qui ont commencé à se former. Donc voilà, entre les plumes et les os. Et le bec. Mais c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais je pense qu'encore une fois, c'était plus sur le côté psychologique que ça m'a dérangée. Voilà, donc je m'aperçois que toutes mes petites histoires là, ouais, ça porte sur la bouffe. J'essaie de penser à autre chose, mais pour le moment, il n'y a rien qui me vient, moi. Ah! Peut-être une histoire. Non, mais si on est parti là, enfin, je veux dire, si on continue sur ce rythme-là, on va encore être là dans 4 heures. Alors, j'ai une autre petite anecdote sur le hammam, pardon, tunisien. L'expérience du hammam. Donc, déjà, enfin, moi, l'image que j'avais jusqu'alors du hammam, c'était on va dire, un traitement plutôt de luxe qu'on se réserve, en tout cas en France. Voilà, tu vas dans un institut de beauté, tu te fais masser. Voilà, et je sais pas, ça, voilà, ça, il y a une petite connotation de luxe derrière. Donc j'arrive en Tunisie, le hammam fait partie de la culture tunisienne, et maghrébine même en général, et c'est très bon marché là-bas. Donc je me dis, bah, il faut que j'en fasse, il faut que je teste. J'y étais allée à l'époque avec une amie donc, qui était dans la même entreprise que moi. Et c'était notre première fois toutes les deux. Donc on y allait dans le hammam du coin. Et donc là-bas déjà, faut se mettre toute nue. Bon, c'est pas mixte. Donc tu as une partie réservée aux femmes. Et des horaires réservés aux femmes. Et tu as même des hammams qui sont réservés qu'aux femmes. Donc voilà, on devait enlever notre haut. J'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai pas trop l'habitude de dévoiler ma poitrine, surtout en la présence d'une amie. Donc voilà, on était toutes les deux nues. On avait notre petite serviette quand même, parce qu'on était un peu pudique. Et on avait quand même le bas de notre. On avait un maillot à ce moment-là. Voilà, donc on arrive. En fait, tu as une petite bonne dame qui t'accueille et elle ne parlait pas du tout français. Donc on s'est débrouillé en dialecte tunisien. Et on a chacune une petite dame qui s'occupait de nous. Donc c'est vraiment l'image que tu te fais d'une mara, tu vois, bien en chair. Donc elles, bien entendu, elles avaient aussi la poitrine à l'air, mais une poitrine déjà, disons, qui a déjà bien vécu, donc qui était assez HSC. Je sais même pas si j'ai le droit de parler de ça. Oh là là, C'est tellement joliment dit, c'est une très manière, très jolie manière de dire. non, mais si ça se trouve, c'est tabou. Non, je suis en train Pourquoi ce d'ignorer serait des trucs. tabou? J'en sais rien. Parce que c'est quelque chose dont je n'ai même pas parlé avec mes amis tunisiens, masculins du moins. Bref. Et ma copine et moi, on s'était dit, allez, c'est parti pour un moment de relaxation. Elles vont nous frotter, nous enlever la peau morte. Et là, on s'allonge. Elle commence à frotter. Et oh, j'ai eu aussi mal de toute ma vie. Adieu le moment de relaxation. Mais j'ai l'impression qu'elle m'avait, enfin j'avais l'impression qu'elle m'avait arraché la peau en fait. Donc elle avait un gant en écrin noir, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et mais elle frottait hyper fort, hyper fort. Et ma copine, elle avait demandé à un moment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez frotter un petit peu moins fort, s'il vous plaît? Et là, la dame, elle lui montre le gant avec plein de peau morte dessus. Elle fait, quoi? Tu vois que je prends un peu moins fort? Mais non, elle est complètement Ah, ça m'avait tué. Ça m'avait tué. Non, mais c'était marrant, mais on était vraiment ressorties toutes rouges, toutes les deux du hammam. Et franchement, nous, enfin, on pensait vraiment à passer un moment de pure relaxation, de détente. Voilà. Depuis ce jour-là, on a appris que les vrais hammams ne sont en fait pas des traitements de, enfin des moments de bien-être. Enfin, si, en fait, mais il faut s'y attendre, quoi. Parce que quand tu t'y attends pas, c'est vraiment douloureux. Voilà, donc c'était notre anecdote. Ça me manque le hammam. Je pense que je dois être sale du coup depuis. C'est une éternité que j'y suis pas allée. Merci Voilà. beaucoup. C'était une superbe anecdote. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc pour finir l'interview? Non, mais. Non, ça va aller. Non, Je crois que je me suis assez enfoncée. mais non, mais c'était très bien. C'est tu réécouteras le truc. Je sais pas Oh non. si J'ai tu l'impression d'avoir raconté n'importe quoi. Ah, pour moi, Mais tu c'était crois un apéro. que tu crois qu'on dit quoi pendant mes interviews? On raconte toujours n'importe quoi. C'est que des digressions comme ça en fait, au final. Même pas. Donc c'était une très bonne interview. Merci beaucoup, Médine. Avec plaisir. Merci à toi. À plus tard. Et putain, Tony, faut que tu supprimes la partie sur l'honnêteté des gens en Allemagne. Bah là, je m'apprête à partir pour ma rando. Je voulais me rendre à la gare en vélo. Et en fait, mon vélo a été volé cette nuit. Great. Best birthday gift ever. Un grand merci à Méline d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vos applis de podcast dédiées. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Thank you.